TVA, indemnité d'occupation. Pour la Cour de Nantes, l'indemnité d'occupation sans titre de locaux professionnels après résiliation du bail doit être soumise à la TVA car elle rémunère un service et a pour contrepartie l'utilisation des locaux ayant fait l'objet du contrat de bail. Il faut faire remarquer que cette décision est inédite et qu'elle a été rendue contrairement aux conclusions du rapporteur public qui estimait que cette indemnité réparait le préjudice réel subi par le propriétaire. On attend donc maintenant avec intérêt la position du Conseil d'État sur cette question.